semaines de vacances, 2 semaines sans blockbuster en podcast, 13 épisodes à reprendre. Eh ben dis donc, je vais m'en payer une belle tranche. Merci à toute l'équipe. Bonjour Frédéric, c'est Frédéric. Non, je ne suis pas ton jumeau maléfique, bien que partageant une enfance lorraine commune. Merci pour votre émission sur les Sopranos. Dans la suite de celle-ci, pour les amateurs, je conseille Lillehammer, une suite non officielle des aventures de Silvio Dante en Norvège, avec un clin d'œil aux Sopranos sur la deuxième saison. Alors autant les émissions sur Gaga et Farmer, j'ai écouté, voilà, parce qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais je n'ai pas changé d'avis. Alors l'émission sur Cassap, je suis podcasté ce week-end, m'a vraiment appris plein de choses. Ce sont des artistes que je respecte totalement maintenant, après l'écoute encore plus, et qui ont besoin d'un écho, parce qu'il y a une espèce de mépris. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette émission qui m'a comblé de joie et fait enjaillir ses vers. Alors je t'appelle Frédéric personnellement parce que tu as invité des gens qui ont tout mon respect, hein, Marie-Josée Ali, etc., Bertrand Dical, La Gazelle, il n'y a pas de problème. Mais moi qui ai fait en 1987, 6 concerts sur 7, tu ne m'invites pas. C'est moi le spécialiste de Cassav en France. Hein. Moi qui ai gagné la place de concert en répondant plus rapidement pour citer les 16 membres du groupe Cassav en 1987. Il y avait un billet à gagner, c'est moi qui l'ai gagné sur toute l'île de France. Et vous pas invité moi. Ah non Frédéric, on n'est pas d'accord avec ça. Hein. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui écoutent Blockbuster et ceux qui n'écoutent pas. To be or not to be, not to be. Il y a un élément qui passe assez souvent inaperçu dans Gremlins, c'est cette phrase du propriétaire de Gizmo, Monsieur Ming, le vieux brocanteur chinois. Le Mogwai n'est pas à vendre. Tout le monde se souvient des Gremlins. Gizmo, ce petit Mogwai si mignon, une sorte de Pikachu vintage qui se multiplie s'il est mouillé, se transforme en monstre s'il est nourri après minuit et ne supporte pas la lumière du soleil. Bon, et bien comme l'a dit Monsieur Ming, il n'est pas à vendre. Dans le cinéma de Joe Dante, le réalisateur aussi, il y a des choses que l'on ne vend pas. Et c'est pas un hasard si celui qui dans le film veut à tout prix lui acheter est évidemment un Américain moyen, un inventeur farfelu qui est convaincu qu'une civilisation se jauge à l'aune des gadgets technologiques que l'on trouve dans un foyer. Parce que Gremlins, au-delà d'être un film culte avec des bestioles terrifiantes, c'est un film sur la société de consommation. Four à micro-ondes, mixeur, lave-linge, monte-escalier ou télévision, Gremlins, c'est pas un film, c'est un catalogue d'arty. Les Gremlins, c'est l'obsolescence programmée de notre consumérisme. Pour Monsieur Ming, devenir le propriétaire d'un Mogwai, ça n'est pas une question d'argent, mais une question de responsabilité. Pour avoir un gizmo chez soi, il n'y a que 3 règles à respecter. 3 toutes petites règles de rien du tout. Il y a plus de règles dans le Uno ou dans le code pénal, et pourtant, à 2 reprises, Joe Dante nous montre dans ses films une société occidentale incapable de s'autoréguler. Finalement, ce qui transforme les Mogwai en monstres, c'est moins la nourriture passée minuit que notre propre rapport à l'argent. Et entre nous, une petite créature venue d'Asie, qui devient un fléau pour nos sociétés mondialisées parce qu'on en veut toujours plus. Ça vous rappelle pas un pangolin ? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Chérie, tu veux bien baisser la lumière, s'il te plaît? Oui. Baisser la lumière? Mais pourquoi faire? Ça brille dans le noir? C'est important. Pour moi. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Ton nouveau copain. Où tu l'as trouvé? Chez un brocanteur de Chinatown. C'est un Mogwai. Quoi? Un Mogwai. Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. Gizmo, regarde-moi une minute. 1, 2, 3. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il déteste les lumières brillantes. Il y a 3 choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. En 1984, le même jour que SOS Fantôme, il y a des années comme ça, hein, sort un film de Noël un peu spécial, Gremlins. Produit par Steven Spielberg et réalisé par Joe Dante, Gremlins est un succès immédiat et devient un film culte de la culture populaire. Pour revenir sur la genèse de ce conte gentiment horrifique de Noël, j'ai avec moi Pascal Pinto, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et journaliste spécialisé dans l'histoire des effets spéciaux et de la pop culture, et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Effets spéciaux, deux siècles d'histoire, et vous tenez le site web effetsspeciaux.info. Merci, oui, c'est ça. Avec nous également Yann Delattre, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes scénariste et réalisateur de comédie. Votre court-métrage Jeunesse des loups-garous est passé par la Semaine de la Critique et a reçu le prix du syndicat de cette même critique. Pendant 3 ans, vous avez animé un ciné-club au Luxor, le Saturday Yann Fever. Et votre dernier court-métrage, Un gros poisson, est une comédie noire sur fond d'inquiétante étrangeté. Et vous préparez actuellement un long-métrage intitulé Thug Life Brigitte. Oui, merci Frédéric. Et enfin, celui avec lequel sans lequel je ne pouvais pas parler des Gremlins, Dedo. Bonjour Dedo. Bonjour, je suis content de revenir. Ben oui, ben je suis content que ce soit là. Alors je rappelle, tu es humoriste, ton deuxième spectacle Killing Joke est disponible sur ta chaîne YouTube et tu reprends la tournée de rodage de ton nouveau spectacle dès le mois de septembre. Oui, tout est vrai. Ensemble, on va retracer l'histoire de ces fameux Gremlins. On reviendra sur la carrière iconoclaste de Joe Dante. En quoi l'engagement politique et l'esprit de subversion de ce dernier se sont retrouvés incarnés dans ces petites marionnettes conçues par Chris Wallace et Rick Baker pour le numéro 2. Bref, comme c'est si souvent le cas dans Blockbuster, et si on retournait dans les années 80. Si je suis venu te voir, papa, c'est parce qu'il y a un problème avec le Mogwai. Oui, lequel ? Il se multiplie au contact de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas croyable. Et c'est l'eau qui a fait ça, il a mouillé? Oui, de l'eau du robinet. Curieux, c'est que les nouveaux sont pas comme Gizmo. Celui qui a une mèche, il a l'air d'être le chef. Tu veux que je te dise? Quoi? Je parie que tous les enfants voudraient en avoir un chez eux. Ils pourraient même remplacer le chien comme animal de compagnie. Tu vois ça? Les petits chouchous Pelzer. Je crois que c'est une idée qui pourrait vraiment faire mal. C'était un extrait de Gremlins 1, réalisé par Joe Dante, et vous venez d'entendre Jean-François Vléric doublé William Billy Pelzer et interprété à l'écran par Zach Callaghan, et vous avez également entendu Marc Georgi doublé Randall Ron Pelzer, le père, incarné à l'écran par Hoyt Axton. Dedo. Oui. Je me tourne vers toi. J'étais en train de boire du cognac sur cette musique incroyable. Mais oui, mais c'est un peu lent, c'est un peu fluide. Qu'est-ce qu'un Gremlins? D'où vient cette légende des Gremlins? Parce que je crois qu'il y a un dessin animé à la base. Alors déjà, il y a eu des dessins animés, mais à la toute base, les Gremlins, c'est une légende urbaine issue de l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait que à chaque fois qu'il y avait un pépin sur un appareil, c'était dû à un Gremlin qui foutait la merde, ou le Sbeul si vous habitez dans les années 90. Donc voilà, ça vient de cette légende urbaine-là, et ça a ensuite été un bouquin de Roald Dahl, qui a été adapté. Qui a failli être adapté L'auteur par Disney. L'auteur de Charlie et la chocolaterie. Tout à fait, tu fais bien de le préciser. Qui a failli être adapté par Disney, qui ne l'a pas été parce que sujet un peu compliqué en définitive, et qui ensuite a été un cartoon, et qui ensuite est devenu Gremlin, même s'il y a eu plusieurs passages, typiquement dans la quatrième dimension. Il y a d'ailleurs un segment de la quatrième dimension avec un Gremlins qui est, moi que j'ai vu tout petit, mais qui m'avait absolument terrorisé. Bien sûr. Où on voit ce qui est en fait le proto-Gremlins sur l'aile d'un avion et qui force l'avion à se cracher. Ça s'intitule Cauchemar à 20 000 pieds. Cauchemar à 20 000 pieds sur l'anthologie, et qui a donc été aussi le film éponyme dont George Miller a réalisé l'adaptation. Et où Joe Dante tourne aussi un des segments. George Miller, petit réalisateur de Mad Max. Et de Babe, on ne dit pas assez, mais Babe. Et de Babe. Les deux, génial. Les deux, mais voyez-les, Miller est un... Producteur du premier. Voilà, et Happy Feet. Voyez tout, et de Miller, c'est extraordinaire. Voilà, là, on a globalement booké les auditeurs pour 7 heures de film, déjà. Mais on peut revenir à Gremlins. Et donc... Pascal Pinto, c'est Chris Columbus en fait qui est à l'origine du scénario de Gremlins. Oui, c'est Chris Columbus qui a eu l'idée de Gremlins parce que pendant ses débuts, il habitait dans un loft, et dans ce loft qu'il partageait avec son associé qui a produit plus tard ses films, son associé lui disait tout le temps qu'il y avait des souris qui couraient sur le plancher. Et comme Columbus avait l'habitude de dormir sur le ventre en laissant mollement traîner son bras par terre, il avait peur que les souris lui grignotent le bout des doigts. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens, quand ils ont des souris chez eux, ils appellent un dératiseur. Chris Columbus, il crée un scénario et il fait un blockbuster. Alors, il a écrit ce script, donc. Il l'a confié à son agent, qu'il a envoyé à 50, 70 producteurs à Hollywood. Et rien, mais une espèce de... Le néant total. Donc, Columbus, que j'ai eu le plaisir d'interviewer, m'a raconté qu'il était désespéré, qu'il disait « Ma carrière, avant même de commencer, Hollywood est terminée. » Et puis, un jour, pendant qu'il broyait du noir, le téléphone sonne. téléphone et il y a un type, un imbécile qui prétend être Steven Spielberg au téléphone qui lui dit ça m'arrive tout le temps, ça. J'ai lu votre script, il est super, etc. Il est absolument incapable de croire que c'est Spielberg et pourtant c'est bien lui et donc il va l'engager, il va acheter le script et quand il le rencontre, il lui dit votre script est tellement formidable que j'ai envie de le réaliser moi-même. Et finalement, c'est à Joe Dante qui le confie avec le flair qu'il a pour s'entourer de très grands talents. Alors Chris Columbus qui est aussi à l'origine des Goonies. Absolument. Et du Secret de la Pyramide. Et du Secret de la Pyramide et qu'on a ensuite connu en tant que réalisateur avec Maman j'ai raté l'avion. Et oui, puis Mrs. Doubtfire aussi. Oui bien sûr, et les Harry Potter. Voilà. Les deux premiers en tout cas. Oui Frédéric, pour revenir sur ce que disait Pascal, il y a dans le scénario de Chris Columbus, il faut savoir à la base c'est un vrai film d'horreur. Oui. Et c'est Joe Dante qui va amener la dimension cartoonesque qui est présente dès les origines des Gremlins, comme l'a évoqué Dedo. Et il faut savoir aussi qu'il y a une idée qui obsédait, vous parliez de Gizmo, qui obsédait Chris Columbus, c'est celle du conflit intérieur. Et cette dimension-là, dans le mythe des Gremlins, elle apparaît vraiment avec l'épisode Cauchemar à 20 000 pieds de Richard Donner, qui est la réalisation, et surtout de Richard Madson, qui est une des grandes figures du fantastique moderne américain. C'est-à-dire c'est lui qui va transposer les grands mythes du fantastique dans la banlieue américaine par ses nouvelles. Et il faut savoir qu'à l'origine, Gizmo et les Gremlins étaient quelque part une espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde sur pattes. Oui. Gizmo, durant tout le film, était tiraillé par un conflit entre sa nature profondément bonne et un côté gremlin, ce qu'il tiraillait. D'ailleurs, il bouffait le chien de Billy, je crois, dans une des premières versions. Et il décapitait la mère. Et il décapitait la mère, en effet. Ah, les Gremlins, hein, pas Gizmo. Parce oui, pas Gizmo. Ça aurait été dur. Et c'est un long travail de réécriture qui a été entrepris par Spielberg, Michael Finell, qui est l'autre producteur de Joe Dante, qui l'a accompagné jusque Small Soldiers, qui vont aboutir à cette version, parce qu'au départ, en effet, Gremlins, il y a même une autre origine au film, qui est un scénario que veut faire Spielberg à la fin des années 70, qui s'appelle Dark Skies. Et Dark Skies, c'est déjà un peu Gremlins, c'est une famille de la classe moyenne américaine typique, qui va se retrouver assiégée par des petites créatures extraterrestres. Il y a toujours eu chez Spielberg l'envie de casser ses jouets. Il venait de faire le grand film pacifiste qui était Rocco du troisième type. Il savait pas encore qu'il allait faire E.T., mais il y avait déjà un peu les germes là-dedans. Et cette famille allait être aidée par une petite créature extraterrestre différente des autres. Donc on avait déjà un petit germe de Gizmo. Et c'était un peu, si vous voulez, ce film Dark Sky, ça aurait dû être les chiens de paille avec des extraterrestres dans la banlieue américaine qui devient un cauchemar. Et toute l'intrication de ces talents, Chris Columbus, Joe Dante, Michael Finell et Spielberg, va aboutir à ce que vous disiez, un conte horrifique pour enfants. C'est-à-dire que c'est presque un film d'horreur pour enfants, à vrai dire, Gremlins. Et Yann Delattre, parce que je resitue qui est en train de parler, il faut qu'on mette tout de suite fin à quelque chose qui peut être très gênant tout au long de cette émission. Est-ce qu'on dit Joe Dante ou Joe Dante? Il faut dire Dante. Dante à l'américaine. Ouais. On dit Dante? Oui. Okay, à partir de maintenant, je dirais Dante aussi. Joe Dante. Et quand il prépare des pâtes, on dit les pâtes al dente. Al dente oui. Même, exactement, mais c'est pas loin. Oui, en même temps, j'aurais pas été chercher cette référence-là, mais pourquoi des pas pâtes. Et alors, c'est vrai que initialement, il y a un élément dans le scénario de Columbus qui a disparu dans la transfiguration de Spielberg, c'est que Gizmo était logiquement censé devenir un Gremlins. Oui, mais il y a toujours cette logique chez Joe Dante, vous parliez de sa subversion, on dit bien Dante du coup, ouais. C'est que toujours, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire Gizmo est une créature qui incarne la bonté par essence, mais elle est porteuse de mauvaises graines. Et ça c'est très intéressant parce que je pense que tout le discours sur la société de consommation, tout ce qu'on peut plaquer sur Gremlins, il vient d'un truc très simple et c'est cette nature du conflit intérieur. C'est-à-dire que la base psychanalytique de Gremlins, elle est très simple et presque intuitive, il y a le moi, le ça et le surmoi. Gizmo c'est le surmoi, le Gremlin c'est les ça et la famille américaine c'est un peu le moi. En fait les Gremlins seraient l'inconscient de Gizmo manifesté qui aurait pris corps. L'inconscient des enfants comme des adultes, cette envie de tout casser à commencer par ce qui nous entoure en vérité. On peut même dire on peut faire une lecture de Gremlins quand on a un amoureux des chats comme moi que c'est un film sur les chats. Ça commence par une petite boule de poils à qui on a envie de tout donner et ça termine par un sociopathe qui fout le bordel dans votre salon et qui a envie de vous tuer. J'adorerais voir un chat conduire une voiture de Barbie. C'est ça, j'ai envie de le faire maintenant. C'est une expérience qui se tente. Ah, on n'est pas bien là, la fraîche à parler de Gremlins. Alors je sais pas vous, mais là dans une cohérence thématique que la France nous envie, j'ai envie d'écouter Frank Sinatra avec New York, New York. Ah oui. And ladies and gentlemen, cette émission a été préparée par Jeanne Paravert et Alice Delcourt, aidée par notre stagiaire Tom Malky, et à la technique aujourd'hui, Johanna Gabrick et Louis Audebert. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. City that doesn't sleep and find little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can up to you. Eh bien, je vais vous dire, France Inter, c'est une radio qui découvre des talents. Et ce Frank Sinatra, à mon avis, il ira loin. Mais pas mal. Ouais. Alors, vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter. Et nous sommes toujours avec les scénaristes Pascal Pinto et Yann Delattre, ainsi que l'humoriste Dedo, pour parler des Gremlins. Les petits chanteurs de Noël. Je déteste les petits chanteurs de Noël. Toutes ces voix de fausses qui ne sont que de la graine de drogué. Vous avez prévenu, sale morveux! Oh, où sont-ils? Où sont-ils? Ah, ils sont venus pour moi! Ils sont venus! Ah, je ne suis pas prête! Je ne suis pas encore prête! Je ne suis pas prête! C'est un nouvel extrait de Gremlins 1 de Joe Dante et vous venez d'entendre Nadine Allary doubler la terrible Ruby Deagle incarnée à l'écran par Polly Holiday. Dedo, oui. On a parlé de Spielberg, on a parlé de Columbus, mais on n'a pas parlé de l'élément le plus important de ce film, Joe Dante. Ah. D'où vient Joe Dante ? Joe Dante vient des États-Unis à la base et en fait, toute sa cinématographie vient de son enfance, comme beaucoup de réalisateurs, parce que très jeune, déjà, c'est intéressant parce que je crois que son premier film, si je dis pas de bêtises, qui voit, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Blanche-Neige et les Sept Nains. Qu'on redécouvre effectivement sous un prisme un peu différent dans Gremlins, c'est-à-dire saccagé dans tous les sens par ces fameuses petites bestioles. Matez-le si vous l'avez pas vu, bien évidemment. Et donc, lui, très jeune, il découvre ce qu'on appelle les matinées, donc des films qui sont à l'époque précédés en préambule donc d'un cartoon, ensuite le film, et ensuite un épisode de série. Donc, il est baigné là-dedans. Donc, sa passion pour les cartoons, je pense, va être alimentée aussi par ça. Chuck Jones, notamment. Donc ensuite son hommage avec les Looney Tunes et effectivement ce côté un peu décomplexé dans l'action qu'on retrouve dans la plupart de ses films et le côté cartoonesque qu'on peut retrouver qui fait partie intégrante du cinéma de Joe Dante. Donc, à la base Ozzy sort de l'école et Corman le repère. Roger Corman, donc qui à l'époque donc fonde New World Pictures, une boîte de production qui un peu sur le modèle de Jason Blum avec Blumhouse, donc décide de prendre des réalisateurs à peine sortis de l'école, diplômés récents et avec un tout petit budget, voir ce qu'ils peuvent faire. Donc il lui file à l'époque un premier film à lequel ça se passe bien, c'est surtout Piranha en 78 avec un budget inférieur à $1 million qui en rapporte 16, qui fait que wow, Corman se dit on va peut-être lui en filer un autre, on va voir. Et il y a une légende qui dit que si jamais on a réalisé deux succès pour Corman, on n'a plus jamais travaillé pour lui de sa vie. Et c'est ce qui s'est plus ou moins passé. Et derrière, en 80, d'ailleurs, il fait The Howling, qui est Hurlement. Français, dont Rick Baker signe les effets spéciaux, qui retrouvera d'ailleurs sur Gremlins 2. Robotin. Ah, c'est Robotin, pardon. Rick Baker sur Le Loup-Garou de Londres. Oui. Exactement. C'est Robotin, son élève le plus brillant. Sur le John Landis, exactement. Ouais, pardon, et d'ailleurs, c'est l'époque où Rick Baker a mis un coup d'accélérateur parce qu'il savait que, en réaction à Robotin sur Hurlement. Il y avait une émulation. Il y avait une émulation entre les deux. Elle est restée amicale, Pascal? Il y a eu une période, franchement, où l'un avait du mal à parler de l'autre sans grincer des dents, en l'occurrence Rick Baker, parce que. Robotin lui avait caché qu'il travaillait sur The Thing, par exemple. Et quand il a travaillé sur The Thing, il a préféré faire appel à Stan Winston pour créer un chien qui se métamorphose au début du film, plutôt que de faire appel à son mentor Rick Baker. Et donc Rick Baker avait des boules qui n'étaient pas prosthétiques. Alors là, évidemment, les néophytes se disent mais qui sont tous ces gens? C'est des grands spécialistes, des grands noms des effets spéciaux. Et je peux d'ores et déjà faire du teasing en vous disant que je prépare un blockbuster sur ces grands noms des effets spéciaux. Mais stay tuned, comme on dit. Donc ensuite, comment se passe la rencontre entre Steven Spielberg et Joe Dante? Grâce à Piranha. C'est-à-dire que Piranha sort l'été 78 et le blockbuster de l'été 78, ça doit être Les Dents de la Mer 2. Décidément, c'est une période où il fait bon se baigner. Hein. Oui, il y avait Urkel l'été précédent, donc Les Dents de la Mer 2, on adore ce titre français quand même. Et Spielberg apprend que la Universal est à deux doigts d'intenter un procès pour plagiat à Roger Corman et devoir bloquer la sortie de Piranha. Sauf que Spielberg, il reconnaît Joe Dante un cousin. C'est-à-dire qu'il est évident quand on voit Piranha que les deux garçons ont grandi avec les mêmes choses. C'est un art de la satire. Faut pas oublier que les deux ont été, pour choc cinéphile, comme Docteur Follamour, ils l'ont tous les deux vu à 17 ans, ils ont le même âge. Et surtout, il salue le vrai hommage qu'il y a dans Piranha ou Dents de la Mer, c'est que c'est deux films très pervers. Ces deux films, en fait, Piranha et Dents de la Mer, ils posent sur une chose. Et là, on revient à Gremlin, c'est notre envie de voir ou pas. Dès le moment où Gizmo apparaît avec les trois règles, on attend qu'une chose, c'est que les règles soient détournées peu à peu, ce qui structure très bien le scénario. Pour Piranha, c'est pareil, il y a un banc de Piranha qui se balade. Et tout le génie de Joe Dante, ça échappe pas à Spielberg, c'est, mine de rien, ce banc de Piranha, il se dirige quand même vers une colonie de gamins de 12 ans qui vont aller boulotter. Et donc, la méchanceté du film séduit Spielberg. Et Spielberg, en plus, s'en remet une couche et séduit par Hurlement avec Dee Wallace Stone, qui sera la maman d'E.T. Et les deux hommes, ils se rendent compte qu'ils ont une idole en commun. Bon, on revient presque au point de départ de l'émission, c'est Rod Serling. Et c'est quelque chose de primordial, c'est que Rod Serling, je sais pas si vous l'avez déjà consacré une émission, Frédéric. Pas encore. C'est que c'est un maître de la direction de spectateurs et on peut retrouver un trait chez Joe Dante, chez Spielberg. Et on parle évidemment de Twilight Zone. Oui, le créateur de Twilight Zone. Dimension. Et chaque épisode de Twilight Zone, il y a 10 minutes qui font office presque de bande-annonce d'épisodes à venir. Il y avait une manière d'accrocher le spectateur. Et ça, pour un mec comme Joe Dante, comme l'a dit Dedo, qui a débuté chez Corman, donc l'école de l'efficacité, et qui a aussi été un monteur de bande-annonce chez Corman avant même de réaliser. Rod Serling, c'est une figure paternelle presque, d'où l'hommage avec la quatrième dimension. Donc Spielberg va prendre Joe Dante sous son aile. Tu veux dire épaule, hein, sous son épaule, les envies d'aisselle. Il sera très protecteur. On a essayé beaucoup de monter Spielberg et Joe Dante l'un contre l'autre en France, jusqu'à Small Soldier, c'est une relation qui se passe bien. Il y a le premier couac qui est Gremlins 2, mais c'est deux garçons qui se ressemblent fondamentalement. Et Joe Dante dira que Spielberg lui demande de faire les films que Spielberg, lui, spectateur, aimerait voir. Ils sont tous les deux, en fait, c'est deux enfants de l'école de la meilleure école de cinéma quand Spielberg va rencontrer Joe Dante la première fois pour lui proposer de réaliser Gremlins, il lui a dit bravo parce que vous avez fait la meilleure suite de Jaws, des Dents de la Mer. Parce qu'évidemment, il n'a pas beaucoup apprécié les Dents de la Mer 2 réalisées par Jonas Fark. Oui. Et d'ailleurs, on pourrait très bien penser qu'un film comme Indiana Jones et le Temple Maudit pourrait être un film de Joe Dante dans son côté presque viscéral où on affronte l'horreur de manière un peu plus poussée que dans les précédents Spielberg. Oui, c'est une manière qui est en commun, je trouve, de désamorcer ce qui pourrait être horrifique au moment où c'est sur le point de basculer et de devenir désagréable, le faire basculer dans l'humour et dans le too much qui fait que, comme dans le cœur arraché qui continue à battre dans Indiana Jones, c'est un peu perdu, on est dans le too much et ça permet de supporter ce qui se passe à l'écran. Et il y a d'ailleurs une filiation intéressante en parlant d'Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est que pour Indiana Jones et le Temple Maudit ainsi que pour Gremlins, il y a eu la création du PG-13, c'est-à-dire oui. cette classification interdite aux moins de 13 ans aux États-Unis qui n'existait pas, parce qu'on était justement dans une sorte de film un peu hybride entre c'est pour les enfants, mais pas vraiment, mais on peut pas non plus le mettre rated R interdit aux moins de 18. Et donc, cette classification a été créée pour Gremlins et pour Indiana Jones et le Temple Maudit. Et d'ailleurs, dans Gremlins, il y a cette évocation d'un Noël en famille par le personnage incarné par Phoebe Katz, qui a été obligé de beaucoup de discussions. Est-ce qu'on le laisse dans le film ou est-ce qu'on l'enlève? Est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est horrible? Parce qu'elle raconte, elle raconte un Noël où effectivement, son père s'était déguisé en Père Noël et a voulu passer par la cheminée, mais il est resté coincé. Et eux, c'était l'hiver, il fallait chauffer. Et donc voilà, vous imaginez la suite. Et en fait, cette histoire arrive à un moment du film où on ne sait pas si on doit rire ou si on met la main devant la bouche en se disant, qu'est-ce que c'est cette horrible? Ça résume le ton de Gremlins. Et la réaction de Gizmo est parfaite à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ouvre la bouche en étant complètement estomaqué, et c'est ce que ressent un peu le spectateur, mais Joe Dante a voulu garder cette scène parce que justement, pour lui, le ton du film était respecté par rapport à ça. On est entre la comédie et la tragédie. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais vu le film en projection de presse, et quand cette séquence passe à l'écran, tous les journalistes se regardaient les uns les autres en sachant absolument pas comment réagir. Ouais. Parce que c'était la première fois qu'on voyait quelque chose d'aussi iconoclaste qui cassait le rythme d'un film grand public avec une chose aussi horrible. Alors, vous avez vu Gremlins enfant, adulte, ou vous allez le voir après cette émission, eh bien, n'hésitez pas à nous en parler au 01 56 40 30 20, le répondeur de Blockbuster. Depuis le début de cette saison, Muriel Pérez, la programmatrice musicale de l'émission, tente de me faire découvrir le nouveau trésor d'Hervé. Eh bien, il est là, le trésor d'Hervé. Le monde se fera avec ou sans moi, j'ai besoin d'un arrêt au stand. Encore un break down, je m'envoie en l'air. Mais tu sais, je plane mal depuis que j'en fais des tonnes. J'écoute ces morceaux à la radio, je les connais trop, ceux qui nous recollaient. Me chasse pas, trésor, trésor. Tu sais combien t'as compté. Mes désirs font des ordres, trésor. Mais toi t'es belle comme l'été. Avec ou sans moi, je vais revoir la mer à Ostende. J'évite ces morceaux à la radio, je les connais trop, ceux qui nous recollaient. Tous ceux qui collent, je leur ferai la peau. Me chasse par un trésor, trésor. Tu sais combien t'as compté. Mes désirs font des ordres, trésor. Mais toi t'es belle comme l'été. Me chasse pas, trésor. C'était Trésor d'Hervé. C'est la dernière semaine de cette saison de Blockbuster et il faut rappeler que cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Céline Hila, la réalisatrice. Et j'ai envie de dire, big up Céline. Vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist. Pascal Pinto, quand on se lance dans un film avec des marionnettes quasiment à chaque plan, en termes d'effets spéciaux, ça doit être une horreur. Donc comment Joe Dante, à qui il a confié la création de Gizmo et des Gremlins? Alors il a confié cette création à quelqu'un qui s'appelle Chris Wallace, donc qui est un excellent spécialiste de ce qu'on appelle l'animatronique. L'animatronique, elle est venue aux États-Unis en fait grâce à quelqu'un qui s'appelle Carlo Rambaldi, qui avait travaillé avec Spielberg sur Rencontre du troisième type notamment, et qui a fait plus tard l'animation d'E.T. Et en bon italien, Carlo Rambaldi, qui est un spécialiste de la sculpture au départ, s'est dit que quand on appuyait sur les freins d'une bicyclette en serrant la gâchette des freins et que le mouvement était conduit jusqu'au frein lui-même, il y avait un principe d'animation vachement intéressant à utiliser. Et en fait, tout ce qui a été créé après avec l'animatronique, avec Carlo Rambaldi ou avec des gens comme Chris Wallace ou Rick Baker, eh bien ça dérive tout simplement du frein de vélo, mais puissance 10, 100, puisque à chaque petit mouvement d'une créature correspond soit un câble métallique qu'on actionne avec un levier, par exemple pour faire cligner les yeux ou pour ouvrir la bouche ou la fermer, soit un servomoteur qui est radiocommandé. Et donc Chris Wallace a créé des dizaines et des dizaines de Gremlins. Il a créé. Alors la grande difficulté du film, c'était Gizmo, parce que Gizmo est tout petit. Donc il fallait beaucoup d'ingéniosité pour arriver à faire tenir dans cette toute petite tête les mécanismes principaux qui lui permettaient de faire bouger ses yeux de haut en bas, de droite à gauche, de cligner des yeux, d'ouvrir la bouche, de la fermer, de tourner la tête, que les oreilles se redressent ou s'aplatissent, etc. Que ses petites mains potelées arrivent à saisir des objets, etc. Et donc, il y avait plusieurs versions de Gizmo, parce qu'il avait tendance à tomber en panne. Et généralement, quand il tombait en panne, au milieu d'une prise, on entendait doing, parce qu'il y avait un câble qui était sorti d'un ressort et d'un mécanisme. Et quand les acteurs entendaient ce doing, ils savaient que c'était mauvais signe, et que ça voulait dire on coupe tout pendant 2 heures. Il connaît plus son texte, Gizmo. Voilà, exactement. Et pour les gros plans, par contre, comme on ne pouvait pas faire entrer tous les mécanismes dans cette petite tête, on a fabriqué une tête agrandie de Gizmo avec des accessoires agrandis pour tous les gros plans. Donc à chaque fois que vous voyez Gizmo en gros plan à l'écran, c'est une tête beaucoup plus grande dans laquelle là on a mis la place nécessaire pour des expressions beaucoup plus subtiles, des mous, des sourires, des expressions en demi-teinte. Et c'est d'ailleurs parce que c'était si difficile de tourner les scènes avec Gizmo que c'est devenu un jeu sur le tournage de lui faire subir mille et une tortures. Et c'est pour ça qu'on le retrouve. Ce que les Gremlins font à Gizmo dans les films sont ce que les techniciens et les animateurs faisaient pour rigoler avec Gizmo quand ils en pouvaient plus. Je pense qu'ils ont fini par détester un peu l'animatronique, mais en même temps ils se sont tellement amusés avec toutes ces marionnettes qui étaient, comme le disait Dedo, complètement iconoclastes, qui faisaient tout ce qu'on a envie de faire quand on a envie de casser un peu les choses ou de renverser les meubles, qu'ils se sont bien amusés. Et ce qui est, je trouve, le prodige de ce film, c'est que c'est extraordinairement bien filmé, cadré. Les effets spéciaux sont utilisés juste ce qu'il faut. Il n'y a pas une demi-seconde en trop qui permettrait de faire comprendre le truc. Et quand un trucage doit être simple, eh ben il est simple. Par exemple, quand c'est une simple marionnette à main qui surgit derrière un meuble, c'est une simple marionnette à main. Quand c'est juste un gremlin suspendu par des fils, comme une marionnette à fil, eh bien c'est ça. Enfin voilà, il y a une multitude de trucs. Et le principe qui est en fait hérité de l'art des magiciens, c'est ne jamais utiliser deux fois le même truc à l'image coup sur coup. Et donc c'est en mélangeant les techniques, animation, animatronique, fil, marionnette toute simple, qu'on arrive à créer la magie. C'est vrai que l'héritage de Méliès est clairement très présent dans le film, et c'est pour ça qu'en plus, en 84, le budget est moindre. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais ça a été un mastodonte qui a rapporté plus de 150 millions juste en local dans le cinéma aux États-Unis. Mais ça a aussi obligé les animateurs à devenir un petit peu malins. C'est pour ça que Gizmo ne marche pas. C'est parce que c'était très compliqué de le faire se déplacer. Du coup, et il est tout le temps assis, et à un moment, vu qu'ils étaient obligés de partir, ils ont trouvé ce subterfuge du sac à dos, de le foutre dedans, comme ça on le balade, et puis c'est pas compliqué, on va pas se prendre la tête à l'animer parce qu'on sait pas le faire, dans ces conditions pour que ça soit optimal. Du coup, on transforme un manque de moyens en quelque chose de très cohérent à l'écran, et qui est encore maintenant, dans les scènes d'action, toujours aussi bluffant. Et le seul plan dans lequel on voit les Gremlins qui marchent, en fait, c'est un plan en animation image par image, avec tout un tas de Gremlins qui sortent de l'ombre, mais il est très court parce qu'il a été infernal à réaliser, bien sûr. Alors dans Gremlins 2, Joe Dante ironise lui-même sur les critiques reçues par Gremlins 1, car oui, vous imaginez bien que Gremlins, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Le film me gêne énormément parce que c'est sans doute le chant glorieux et victorieux de l'Amérique d'aujourd'hui. Il ne me convient absolument pas. Gremlins, c'est un produit, on le sait, de l'usine Spielberg. En fait, c'est un croisement de Spielberg et de Lucas. De Lucas, on hérite les nounours, tous les animaux en peluche. On retrouve la cafétéria de la Guerre des Étoiles. C'est les enfants du Yoda dans l'Empire contre-attaque. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté, disons, nursery de George Lucas, qui a peut-être 12 ans à peu près. Et puis, alors Spielberg, qui a 14 ans, c'est plutôt le côté petite ville de province et avec tout le côté Frank Capra. Il y a le côté, disons, c'est le croisement de Disney et de Capra et le croisement de Lucas et de Spielberg. C'est dégoûtant. Alors, c'est dégoûtant, oui, absolument. J'aurais bien aimé qu'il y ait au moins la perversité, que ce soit les gentils ou l'apparence des gentils gremlins qui commencent à foutre un bordel incroyable dans cette ville américaine au moment de Noël. Techniquement, disons, tous les effets spéciaux, la dernière demi-heure, c'est un déluge d'effets spéciaux avec la musique qui accompagne tous les films de Spielberg, tous les films de Lucas. J'ai l'impression qu'elle est faite sur ordinateur, c'est toujours la même musique. Les ennemis qui viennent d'ailleurs, c'est incontestable. Je veux dire, bon, Spielberg et Lucas n'ont jamais brillé par une générosité à l'égard des civilisations autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Les autres, en général, sont pas ragoûtants. C'est vraiment le triomphe de l'Amérique moyenne. Ils mettent de l'argent dans le jukebox et comme par hasard, eh ben, c'est plutôt de la musique breakdance qui passe. Et comme par hasard, ça finit par une musique de blues. Alors là, je me suis dit quand même qu'il y avait, à force de vouloir faire dans le pastiche amusant, on tombe parfois dans des zones beaucoup plus troubles qui ressemblent étrangement à du racisme à l'état primaire. C'est un bon petit film. Je ne peux pas dire que c'est toi un événement ni un très grand film. Et je ne comprends pas très bien cette sorte de d'enthousiasme collectif. Alors j'aimerais qu'on ait une pensée émue pour George Lucas qui n'était même pas sur les lieux du Gremlins. Qui a 14 ans. Qui a 14 ans, qui lui a été convoqué pour être responsable de Gremlins alors qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire. Yann Delattre, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Il y a plein de choses, c'est-à-dire c'est assez amusant de dire qu'il ne remarque pas la perversité du film, sachant que c'est un film tourné vers le spectateur et comme je disais, vers ses mauvaises pulsions. C'est-à-dire qu'on les aime, les Gremlins. L'autre chose, c'est marrant, c'est qu'il détecte plein de choses qui sont... un peu juste. En effet, il y a un petit parfum de La Vie est belle dans Gremlins. Le film est d'ailleurs cité dans une scène. Hein, oui, elle pleure devant. Gizmo est pas loin d'être l'ange qui débarque pour changer la vie, qui va changer la configuration de cette ville. Mais d'ailleurs, donc ça c'est pas si con. Mais ce qui est vrai, c'est que Joe Dante, comme Tim Burton, comme beaucoup de cinéastes de cette génération-là, ce que disait Dedo, ils ont tout vu en même temps. Sergio Dante, il voyait un Jack Arnold, il voyait un mélodrame de Douglas Sirk, qui a un gros côté sirkien dans Gremlins. Et ce qui est génial dans Gremlins, c'est qu'il y a les deux en même temps. Donc, en effet, il y a La Vie est belle dans Gremlins, mais il y a aussi un film de monstres comme La Créature du Lac Noir. Il y a Des monstres attaquent la ville, qui aurait pu être le titre de Gremlins, qui est le film de chevet de Joe Dante. C'est assez amusant de voir qu'ils pointent, ils sont pas si loin que ça de la vérité, tout en disant des grosses comédies. Mais d'ailleurs, sur cette, je dirais, convocation d'un univers cinématographique partagé, Gremlins est une sorte de déclaration d'amour au cinéma, parce qu'on retrouve des références à tout un pan du cinéma. Ça commence, on l'a cité avec Blanche-Neige, mais on retrouve aussi il y a du Kubrick, La Vie est belle. Il y a beaucoup de... Bah, de toute façon, la ville de Kingston Fall, elle fonctionne comme dans ce qu'on appelait les grands drames de la banlieue. C'est assez amusant parce qu'on parlait de politique et de consommation, il parle de civilisation. Gremlins, il faut savoir que Gizmo, on peut aussi lui donner l'incarnation que voulait donner Reagan au ruissellement. Quand il élabore sa politique économique, Reagan et qui pense sa campagne, il la pense sur une image américaine qui vient des années 50, qui est typiquement un peu le cadre de Kingston Falls, un peu hors du temps, et qui sera la grande décennie qui entrera les années 80. Et c'est vrai que c'est une ville où ils sont tous angoissés, notamment par Futterman, un des personnages qui a maille à partir avec des Gremlins, par l'invasion russe. Il y a aussi, effectivement... Il y a ce retour à America is back. Et en même temps, c'est les Gremlins, il y a Gizmo, c'est l'Amérique telle qu'elle adorerait se voir. Il y a d'ailleurs un plan assez explicite où Gizmo est sur le bureau du commissaire, ils sont au poste de police, elle drapeau américain, et le flic dit, mais comment une créature aussi mignonne pourrait-elle engendrer des monstres pareils? Et en même temps, les Gremlins, ça pourrait être l'Amérique telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire agressive. C'est-à-dire que c'est le ruissellement de Reagan qui voyait, on ne sait pas jusqu'à quel point sa naïveté était fabriquée. Certains Américains, parce que vous avez une phrase comme ça, moi, c'est des mails jusqu'à 3h du matin. Non, je suis loin d'être américain. Oui, comment vous avez pu, parce que les gens, ils adorent commencer des phrases comme ça. Comment vous avez pu laisser votre invité dire? Donc, alors je m'en excuse, mais voilà, l'Amérique. Donnez votre adresse mail, parce que moi, j'ai besoin de dormir. gmail.com, vous pouvez m'envoyer. Parce que ouais, je suis habitué à recevoir des menaces de mort. Non, en fait, Reagan voulait fédérer l'Amérique autour d'une espèce de bonté ancestrale qui fait que l'argent allait ruisseler. Donc, et en même temps, si vous voulez, Gizmo incarne un peu ça. C'est-à-dire que c'est cette créature qui serait mignonne en apparence, mais qui a que des germes terribles et rapaces. Si vous voulez, les Gremlins, ils se payent la journée de cadre américain. Ils font la fête tout le temps, ils se mettent une cuite au bar et ils finissent au cinoche. Donc il y a tout ce cycle-là. Et c'est assez marrant qu'il parle de civilisation américaine parce que je pense que la rémanence du film, elle vient de son universalité en fait. C'est un peu tout terrain, Gremlins. C'est pour ça qu'on montre les enfants. L'une de ces créatures est en quelque sorte capable de parler, et elle va s'entretenir avec nous maintenant. Je crois que la principale question que tout le monde se pose est « Créature, qu'est-ce que vous voulez ?» Oh Fred, ce que nous voulons, c'est, je crois, ce que tout le monde veut, c'est-à-dire ce que vous et vos téléspectateurs avez, la civilisation. Oui, mais dites-moi, créature, de quel genre de civilisation voulez-vous parler ? De celle qui est à la fois belle et raffinée, qui est faite de diplomatie, de compassion, de culture, de bonnes manières, de tradition. Voilà vers quoi nous tendons. En route, nous pouvons commettre quelques erreurs, mais nous voulons la civilisation, nous voulons la convention de Genève, la musique de chambre, Susan Sontag, tout ce que votre société a accompli en travaillant si dur pendant des siècles. Voilà à quoi nous aspirons, nous aussi. Nous voulons être civilisés. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. C'était un extrait de Gremlins 2 et vous venez d'entendre évidemment Richard Darbois qui double Brain, le gremlin doué de parole, et également vous avez entendu Jean-Pierre Delage qui double le grand-père Fred, incarné à l'écran par Robert Prosky. Gremlins 2, Dedo, parlons-en justement, parce que Joe Dante n'avait absolument pas, enfin initialement, pas envie de faire une suite, et il a accepté parce qu'on lui a donné champ libre total, donc c'est vraiment un film de Joe Dante du début à la fin. Ouais, il a eu le droit de pouvoir imposer sa vision artistique de bout en bout sur un budget justement beaucoup plus large que le premier, et grand bien nous a fait en tant que spectateur, dans le sens où le film est d'une décomplexité totale, est un plaisir jouissif pour le spectateur. Et dit tellement de choses sur nous aujourd'hui. Sur nous aujourd'hui, qui était déjà précurseur de beaucoup de choses sur le discours consumériste et tout ce qui s'ensuit par rapport à ça. Il faut expliquer aux auditeurs que l'action se passe cette fois-ci à New York, dans une énorme tour tenue par le président Klump. Voilà, donc si jamais vous vous dites « Oh, ça ressemble à Trump », eh bien vous auriez totalement raison, parce qu'en fait, dans cette tour, il y a une concentration de restaurants, de labos pour rendre des animaux à la base d'OGM plus productifs. Il y a des restaurants vegan, salles de sport, et tout est technologique. Il n'y a absolument aucune plante verte, parce que voilà, la nature, c'est mal. Tout est contrôlé, on n'a pas le droit de fumer, le temps de hors de son bureau est calculé. Enfin, tout ce qui préfigure le monde moderne se retrouve dans Gremlins 2. On peut juste préciser aussi que Klump, en anglais, ça veut dire pince, et que le logo. Cette parodie de Donald Trump, c'est une pince qui écrase le monde, qui au lieu d'être une sphère, devient une espèce d'ovale. Et donc c'est vraiment le côté hégémonique de Trump dans toutes ses facettes, puisque Trump vendait même des steaks dans la tour Trump. Ouais. et c'est merveilleusement bien parodié. Oui, pour rebondir sur ce que Dedo et Pascal disaient, il faut quand même préciser que cette tour, de fait, elle ne marche pas. Oui, c'est qu'avant même que les Gremlins arrivent, tout capote. Ce que Dedo disait est très juste, c'est qu'il a jamais eu autant d'argent pour faire une vision personnelle, Joe Dante. Et si le film a pas marché, c'est aussi parce que le rapport au spectateur est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on se demande même ce que les Gremlins foutent là, parce que c'est déjà la merde, pardon. Et il y a aussi, vous parlez de ce laboratoire, il y a quand même des vannes qui sont assez osées. Il y a Christopher Lee qui, avec une seringue, dit quand même à Gizmo, il y a des tas de maladies que je rêve de. Oui, je te rêve d'être inoculé. Oui. On est quand même en train de ramasser les victimes du SIDA à l'appel. Enfin, il y a un climat de folie dans ce film. Il récupère des mouchoirs usagés parce que. Et il a commandé la grippe, on lui a livré la rage, et il dit « mais j'ai déjà la rage, moi je voulais la grippe », et donc il récupère le mouchoir plein de mucus. Ah bah non, on est en plein dedans, avec une vache qui a un casque et qui passe en arrière-plan en disant « je suis heureuse de produire du lait, je veux en produire encore plus ». Enfin, il y a vraiment une idée de satire, mais même une idée de satire par rapport au cinéma en général, et par rapport à la Warner. C'est-à-dire que le côté entre les deux films, Gizmo est devenu une peluche, est devenu... un élément de merchandising, et Joe Dante dans Gremlins 2 attaque ça bien en tête. Ah oui, il se joue complètement de ça, et c'est pour ça qu'on dit, dès qu'il y a le président de la tour, je dis le président John Glover, on sait pourquoi, incroyable acteur, dès qu'il y a un problème, il voit ce qu'il peut en tirer de manière mercantile, ce discours-là est direct, présent tout le temps, et c'est vrai que le film a été incompris à l'époque, je pense, parce que malheureusement ça a été un échec commercial et qui a un peu plombé par la suite la carrière de Joe Dante, parce qu'effectivement il est dense, il est incroyablement puissant dans ses thématiques, et en plus il vient bousculer le spectateur parce qu'on casse le quatrième mur régulièrement. Il y a un moment, on rentre dans une salle de cinéma parce que pendant le film, les Gremlins on réussit à brûler la pellicule et du coup on voit un plan qui rentre dans le cinéma avec Hulk Hogan qui dit maintenant ça reprend parce qu'il y en a marre. Et les spectateurs ont dit, à la place ils ont mis un documentaire de nudisme. Alors ils ont changé entre temps. Il faut savoir que pour la sortie en vidéo, donc en VHS, c'est un ils ont avec John Wayne. Exactement, oui. Ils ont changé le truc pour pas que ça soit dans une salle de cinéma, mais pour qu'il y ait de la neige sur l'écran et qu'on croit que ce soit les Gremlins qui justement pourrissent ça. Et là il y a eu un montage avec une introduction où on voit John Wayne se battre contre des Gremlins. Donc ça, c'est quasiment du jamais vu à l'époque, de casser à ce point le quatrième mur et d'intégrer le spectacle dans la salle avec le spectateur. Et je pense que ça a dû troubler un petit peu à l'époque. Et puis, bah oui, on attaque un peu l'Américain moyen. Donc l'Américain moyen des fins des années 80 est pour la plupart l'image de Reagan, c'est-à-dire avec peu de discernement par rapport au deuxième degré qu'il devrait avoir sur certaines choses. Pascal Pinto. Pas très oui, il y a aussi un personnage qui est très, très touchant dans le film, c'est ce grand-père vampire qui petit à petit est mis à l'écart parce que lui, il présente en fait tout l'héritage du cinéma fantastique. En noir et blanc. Exactement. Et il présente les films de monstres de l'Universal des années 30. Et on entend un moment dans le hall, ce soir sur Channel Clamp, Casablanca en couleur et avec une avec fin une heureuse. Fin heureuse. Non mais c'est énorme. C'était pas un débat de l'époque ça, Pascal. Il n'y avait pas l'idée de coloriser King Kong. Il n'y a pas Scorsese qui monte en créneau contre King Kong a été colorisé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais coloriser, c'était déjà, à mon avis, quelque chose de visionnaire. Mais changer la fin pour en faire une fin heureuse pour qu'elle plaise au plus grand public. C'est du révisionnisme. Ça, c'est et en fait, Joe Dante en parlait déjà. Et il a été même visionnaire dans le 2 de manière assez incroyable parce qu'il y a des chaînes de télé spécialisées qui n'existaient pas à l'époque. Donc une chaîne de cuisine, ce qui n'existait pas, maintenant on a vu ça partout. Des chaînes spécialisées sur le sport ou une chaîne de golf. Et bon, au moment on voit un archer. Bon, il n'y a pas de chaîne de tir l'arc. Mais il y avait malgré tout une vision de Joe Dante qui a toujours été en avance sur son temps. Et à l'image de Carpenter et de bien d'autres, les cinéastes qui ont été en avance sur leur temps ont eu droit malheureusement à des échecs commerciaux parce que le public n'était pas encore prêt à ces visions. Yann Delattre ? Oui, et par rapport à ce que tu disais sur ce qu'il est en avance, c'est Gremlins 2, pour moi c'est le film qui donne aussi là des années 90, c'est-à-dire qu'il y a un rapport métatextuel à la suite. C'est-à-dire que le rapport au spectateur, c'est que tu sais très bien ce que tu es venu chercher dans cette séquelle et on n'arrête pas de jouer avec ça. Et en cela, mais ce qu'il y a toujours de très beau chez Dante, c'est toujours ce côté du « en même temps » qui peut résonner bizarrement en français, mais chez Joe Dante c'est beaucoup plus tendre, c'est que ce clamp il est très touchant aussi. Il y a des moments où il est très très beau. Il y a cette idée du vieux vampire. En fait, ce qui est assez beau dans la filmographie de Joe Dante, c'est que Gremlins 2 est peut-être son film le plus cynique. C'est un doigt d'honneur presque même à Oprah Gremlins. Il préfère le deuxième, il trouve qu'il a beaucoup plus traduit sa vision. Et derrière ça, et c'est pour ça, j'invite les auditeurs à le regarder s'ils n'ont pas vu, il fait Panic sur Florida Beach, qui est son film le plus sincère et le plus naïf presque. Quel chant du cygne du vieux vampire que t'évoquais de la Universal. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense que Joe Dante, avec ce personnage de grand-père vampire qui est bientôt va perdre son émission, nous raconte aussi ce qui est commun à sa génération, à celle de Rick Baker, à celle de Steven Spielberg. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont découvert le cinéma grâce à la télévision. Parce qu'il pouvait pas voir ses films dans le cinéma d'à côté, donc il les voyait à la télévision en guettant sur TV Guide, donc l'équivalent de Télé 7 jours aux États-Unis, les horaires de ses films. Et il fallait négocier, c'est ce que Chris Columbus aussi m'avait raconté, il fallait négocier âprement auprès des parents des semaines à l'avance le fait de rester tard pour voir Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, Dracula et compagnie. Alors on va jouer avec Romain après une courte pause musicale, mais pour le moment on écoute Lee Fields avec The Expressions. I won't let it c'était bien, c'était Lee Fields avec The Expressions et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Romain au téléphone. Bonjour Romain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Êtes-vous fan ou avez-vous vu les Gremlins? Je suis fan des Gremlins. Ouais, je les ai vus il y a longtemps, mais ouais, je suis encore fan des Gremlins. Surtout le 2, qui, à mon sens, voilà, est mon préféré. Ah bah, on est d'accord. Hein, il faut inciter les auditeurs à voir Gremlins 2 s'ils ne l'ont pas vu. J'ai même commencé par le 2, en fait. Voilà, j'ai commencé par voir le 2 avant de voir le 1, et c'est celui qui m'a le plus marqué. Eh bien, écoutez, ce côté rebelle qui est le vôtre me plaît énormément. Le 2 est tellement rebelle que sur l'apparition du Spider-Gremlin, on entend Angel of Death de Slayer. C'est quand même magnifique. Il y a le métalleux qui se réveille. Ah bah oui. Vous connaissez le principe du jeu ? Oui, bien sûr. Bon, alors je répète pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route. Je pose une question, mais si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, vous pouvez faire appel à un joker, c'est-à-dire demander à un des invités autour de la table de répondre à votre place. C'est bon ? C'est bon. C'est parti. Quel film est sorti le même jour que les Gremlins dans les salles de cinéma aux États-Unis ? Ghostbusters. Bingo ! C'est une bonne réponse. Voilà, le 8 juin 1984, et il est sorti en France sous le titre de SOS Fantôme, le 12 décembre 1984, soit une semaine après la sortie française des Gremlins. Deuxième question. Dans le film de 1984, combien de nouveaux Mogwai sont créés quand Gizmo est exposé à l'eau pour la première fois ? 5 Mogwai ? 6 Mogwai ? 7 Mogwai ? Ah, c'est dur. Je dirais 5. Eh bien, c'est vrai, il y a bien 5 nouveaux Mogwai qui font leur apparition après que Gizmo ait été mouillé. Dernière question. Quel est le nom du célèbre comédien de doublage que l'on va entendre dans cet extrait de Gremlins 2 ? Comme vous le savez certainement, la lumière solaire est un gros problème pour notre groupe ethnique, parce que nous ne bronzons pas, nous ne brûlons pas. Pour être franc, ce que nous devenons ressemble plutôt à un reliquat photochimique peu appétissant. Donc, cette formule a été spécialement conçue pour ceux qui ont vocation nocturne, afin que la lumière brillante ne leur pose plus de problèmes. Cela vous sera d'une grande utilité cruciale là où vous devez aller. Alors ? Richard Darbois. Mais évidemment, Richard Darbois, la voix de Buzz l'éclair, la voix de Batman, la voix du génie dans Aladdin, enfin bref, voilà, Richard Darbois. Eh bien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Eh ben merci beaucoup et puis ben bonne continuation pour votre émission. Je suis un auditeur depuis quasiment Harry Potter, hein, donc ça remonte à très très longtemps. Voilà, j'espère que ça continuera encore longtemps. Ben j'espère aussi. Merci beaucoup Romain. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers camarades, on approche de la fin de cette émission. S'il y avait en un titre un film de Joe Dante autre que Gremlins à conseiller aux éditeurs, lequel serait-il? Ouais, moi je dirais Small Soldiers. Oui, parce que c'est un compagnon de jeu de Gremlins, puisqu'il y a aussi des bons, des méchants, des petites créatures. Il y a beaucoup, enfin le film est très réussi. Yann Delattre. Alors moi j'aime beaucoup l'aventure intérieure, et si je devais faire une petite reco pour Gremlins, pour le pré-Gremlins, ce serait Un monde fou de Stanley Kramer, qui paraît une comédie apocalyptique sur le consumérisme, et pour Gremlins 2 en double programme, Elsa Popin. Ah, eh ben voilà, pour la mise en abîme constante, mais l'aventure intérieure. Dedo ? Eh ben moi je dirais Via Howling Hurlement, parce que voilà, avec le Loup-garou de Londres, c'est quand même un des grands chantres du film de loup-garou moderne, on va dire. Et puis Explorers qui a été pareil, un petit peu boudé à sa sortie, alors que on y retrouve les graines de Gremlins, mais dans un univers un peu plus SF. Je vous le conseille aussi. Eh bien merci Dedo, merci Pascal Pinto, merci Yann Delattre. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement avec moi sur la page Facebook de l'émission. Ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Si votre climatiseur se détraque, si votre machine à laver tombe en panne ou si votre magnétoscope ne marche plus, avant d'appeler le dépanneur, allumez toutes les lumières, inspectez les placards, les armoires, regardez sous les lits. Parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un gremlin dans votre maison. Et on se retrouve demain pour parler d'un des groupes anglais les plus connus au monde. Non, je ne parle pas des Beatles, je parle de Supertramp.